À propos d'un livre récent, l'œuvre écrite dans la chambre close, chez M. Marcel Proust. Un livre vient de paraître, intitulé « Du côté de chez Swann ». L'auteur du livre s'appelle Marcel Proust. On fait grand bruit autour du livre, on raconte aussi beaucoup d'histoires un peu extraordinaires sur M. Marcel Proust. Pour un grand nombre, cet écrivain est un débutant, et ce livre de début est une véritable révélation littéraire. Pour d'autres mieux informés, M. Marcel Proust est un personnage étrange qui, atteint d'une redoutable maladie, vit complètement retiré du monde depuis de longues années, dans une chambre éternellement fermée à l'air et à la lumière, et toute tapissée de liège, pour que n'y pénètrent jamais les moindres bruits des appartements voisins et de la rue. Ceux qui tiennent M. Marcel Proust pour un débutant se trompent catégoriquement. Ceux qui racontent cette singulière claustration dans les ténèbres ne se trompent qu'à demi. Marcel Proust occupe une place bien déterminée parmi les jeunes littérateurs contemporains. Mais la nature de son talent a pu être cause que le grand public ait ignoré son nom jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'apparition retentissante de ce nouveau roman « Du côté de chez Swann ». Les livres et les écrits de Marcel Proust s'adressent plutôt à ce qu'on est convenu d'appeler l'élite, c'est-à-dire qu'il est assez nécessaire, pour goûter convenablement l'esprit et la forme des productions du jeune écrivain, que le lecteur possède un certain degré de culture. Les littératures auxquelles Marcel Proust aima souvent emprunter des citations qui ornaient, amplifiaient ou vivifiaient ses articles ou ses nouvelles sont de celles que le commun peut ignorer. Sophocle, Shakespeare, Bossuet, Ruskin. Cependant, ceux qui ont lu les premiers paris de Marcel Proust dans Le Figaro ou son livre Les plaisirs et les jours, paru en 1896, avec une préface d'Anatole France, sourirait bien s'il l'entendait traiter de débutant. Quant à ce qu'il fut écrit et dit de la chambre close, il n'est que trop vrai qu'un mal cruel tient l'écrivain éloigné du monde, du bruit et de la clarté du jour. Mais cette réclusion, m'a dit M. Marcel Proust, je la crois profondément profitable à mon œuvre. L'ombre, le silence et la solitude, en abattant sur moi leurs chapes épaisses, m'ont obligé de recréer en moi toutes les lumières et les musiques et les frémissements de la nature et du monde. Mon être spirituel ne se heurte plus aux barrières du visible et rien n'entrave sa liberté. M. Marcel Proust me parle dans la grande chambre obscure d'où il ne sort presque jamais. Il est alité. Auprès de son lit, il y a une grande table surchargée de livres, de papiers, de lettres et aussi de petites boîtes de médicaments. Il n'est point exact de dire, cela fut dit, que l'écrivain vit dans les ténèbres. Une petite lampe électrique dont la lumière est tamisée par un abat-jour vert est placée sur la table. Au pied de cette lampe, il y a les feuillets, la plume, l'encrier, auxquels va revenir M. Marcel Proust quand notre entretien aura pris fin. Lorsque par hasard un mince rayon de soleil parvient à se glisser ici, me dit M. Marcel Proust, pareil à l'antique statue de même nom, qui faisait entendre des sons harmonieux quand les rayons de l'astre levant la venaient frapper, tout mon être éclate de joie et je me sens transporté dans des mondes resplendissants. Mais j'ai dans mon emprisonnement des voluptés profondes, ajoute-t-il, et ses grands yeux noirs de malade luisent sous les épais cheveux bruns qui tombent en désordre sur le front mat. Ainsi, je vous assure, et ne riez point, car vous allez me comprendre. Je ne sais s'il est pour moi une lecture qui vaille celle des indicateurs de chemin de fer. Ah, la douceur et la caresse de tous ces noms de villages et de villes du PLM, l'évocation charmante des pays de lumière et de vie où je n'irai jamais. Puis, nous parlons du livre nouveau, du côté de chez Swann. Ce livre n'est que le premier d'une trilogie que j'appelle à la recherche du temps perdu. Le second livre sera « Le côté de Suermante ». Note de la lectrice. Le côté de Guermante. Fin de note. Le troisième, « Le temps retrouvé ». Il va de soi que chaque volume peut ou pourra être considéré comme complet par lui-même. Cependant, ce n'est qu'après avoir lu les trois livres que le lecteur possédera l'identité de mes personnages. J'ai tenté de suivre la vie où se révèlent soudain à nos yeux des aspects insoupçonnés d'une personne. Nous vivons auprès d'êtres que nous croyons connaître. Il manque l'événement qui les fera apparaître tout à coup autres que nous ne les savons. Ainsi, dans mon livre, verra-t-on, entre beaucoup d'autres, un certain Vinteuil qui, dans Du côté de chez Swann, est un brave homme, un bourgeois, un peu lourd, plutôt banal, et ce n'est que dans le volume suivant qu'on apprendra qu'il est un musicien de génie, auteur d'une cantate sublime. Mon œuvre était dans ma pensée comme serait une vaste tapisserie dans un appartement qui ne pourrait la contenir tout d'une pièce et qu'il faudrait découper. Mes personnages paraîtront sous leurs faces multiples au cours des tomes, ainsi que dans le temps se découvrent à nous les diverses personnalités d'un même individu. Il ne faut point demander à M. Marcel Proust des dates, des périodes de sa carrière littéraire. Il avait écrit dans Les plaisirs et les jours des traductions de Ruskin, Sésame et Lélis, entre autres, éditées au Mercure de France, de nombreux articles au Figaro. Il ne faut point lui demander à quel moment il a commencé d'être un écrivain. Il répondra qu'il ne peut fixer les dates, les périodes, les moments. Nous avons pour compagnon de chaîne au long de la vie un homme différent de notre être physique, dit-il. Tenez, quand on pense à soi, on se fait une certaine idée de soi. Et si l'on se regarde dans une glace, le miroir nous renvoie à notre image réelle. L'autre était un étranger. Il était le moi spirituel. Eh bien, c'est celui-là seul qui m'importe. Aussi ne m'intéressais-je à moi que dans les manifestations de ce moi, et non dans des événements ou des dates. Je ne considère mon moi objectif, prenez ce mot dans le sens où l'entendent les philosophes, que comme un instrument d'expérimentation sans intérêt par lui-même, mais qui m'associe à mon esprit pour pénétrer dans certaines réalités, et surtout dans les pénombres de la conscience où je tâche de mettre de la lumière. Je ne saurais donc vous dire quand j'ai commencé à écrire. Je portais un article dans un grand quotidien. Cet article plut, on le fit paraître, puis on en fit paraître d'autres. Le directeur fut, pour les qualités que je pouvais avoir, ce que sont les apiculteurs pour les abeilles. Il m'aida de ses conseils et de son amitié, comme les éleveurs d'abeilles préparent les ruchers et les rayons où se fera le miel. Aucun bruit extérieur ne traverse nos propos. Cependant, je sais que dehors, c'est le boulevard Haussmann, avec le tumultueux déferlement des voitures et des automobiles au rauque cri, mais un silence immense nous enveloppe, et seul, une petite mare de lumière autour du pied de la lampe et les éclats lents du feu de bois dans la cheminée animent l'ombre grise de la chambre. Il semble bien qu'on soit hors du temps, dans un monde et dans une atmosphère étrange où les yeux fiévreux du malade soient pareils à de grandes étoiles noires, la seule concrète réalité. André Arniveld. Ici se termine à propos d'un livre récent. L'œuvre écrite dans la chambre close chez M. Marcel Proust. Article tiré de Le Miroir, 21 décembre 1913. Lu par Christiane Johan.